Audiomatique. Le projet argentin Bloqué del Sur ouvrait cette transmission 1-2-4 d'Audiomatique avec sa pièce Explanada qu'on retrouve sur la compilation Industria Tropical. Cette compilation d'artistes sud-américains est intéressante du fait qu'elle regroupe plusieurs compositions qui explorent le mélange pour le moins inusité entre la musique électro-industrielle et les rythmes latins. Ce n'est plus un secret pour personne. La bande FM commence petit à petit à disparaître au profit du numérique. Naturellement, l'évolution poursuit son parcours et implante le changement dans son sillage. Les sources de diffusion se multiplient et le contenu disponible augmente exponentiellement. L'offre communicationnelle n'a jamais été aussi variée et les moyens pour la consommer n'ont jamais été aussi accessibles, peu importe le moment ou le lieu. Par contre, les électronistes s'interrogent à savoir si le fait d'avoir accès à un si grand nombre d'informations à partir d'une aussi grande quantité de plateformes n'a pas pour effet de diluer la portée et la pertinence de chaque diffusion. À l'époque où les ondes AM et les ondes FM étaient les seuls endroits où on pouvait découvrir, par exemple, des œuvres musicales et où il n'y avait que quelques émissions de niche qui nous permettaient d'entendre des musiques plus spécialisées, l'attention des mélomanes était alors concentrée en des lieux très précis. Maintenant, lorsque les gens veulent assouvir leur curiosité musicale, ils vont partout et nulle part à la fois, et les émissions si nombreuses ne captent plus aussi significativement l'intérêt des auditeurs. La bande FM disparaîtra complètement éventuellement. Les avancées technologiques remplaceront cette technique de diffusion par une autre encore plus évoluée. Cette même pulsion d'aller plus loin qui a jadis donné vie à la musique électronique viendra peut-être dans un avenir pas si lointain affaiblir l'impact de sa propre existence. À Audiomatic, nous entendions le projet américain Future Primitive avec sa composition Hypersense de son premier album Subconscious. Et en début de bloc, il s'agissait du projet allemand FAV, F-A-V, le pseudonyme de Michael Cross, de son premier album Miscellaneous. Nous vous présentions la pièce The Great Murder Trial. Le projet mexicain Siete Catorce lance cette prochaine séquence musicale à Audiomatic. Le défunt groupe péruvien Sylvania nous offrait sa composition Isonota en guise de conclusion à cette séquence musicale de deux pièces. Isonota paraît sur l'album de Sylvania intitulé Juniper Finn, sorti en 1997. Et avant cela, nous écoutions Siete Catorce et sa pièce Siempre, qui se trouve sur son album Principio Final. Il sera en spectacle au Zénob à Trois-Rivières le 25 février prochain. Voici Ariola à Audiomatic et la pièce titre de son dernier album, En haut. Thank you. Audiomatique se poursuivait avec la musique de Croy, K-R-O-Y, qui est en fait le projet de Camille Poliquin, qui fait également partie du duo Milk and Bone. De son premier album, du premier album de Croy, intitulé Scavenger, nous vous avons fait jouer la chanson Days. Croy était d'ailleurs en spectacle à l'église Saint-James de Trois-Rivières le 16 février dernier. Précédemment à Croy, il s'agissait du trio japonais Mouse on the Keys et la pièce Mirror of Nature de leur album The Flowers of Romance. Mentionnons que le trio masculin Mouse on the Keys se produiront sur la scène du Centre culturel Pauline Julien le samedi 25 février prochain à 20h. et en amorce de séquence, Ariola nous interprétait la chanson-titre de son dernier mini-album « En haut ». Ariola sera également en spectacle à Trois-Rivières le 25 février à 21h30 au Zénob, avec en première partie la chanteuse Gabrielle Proulx. C'est sur la musique du projet Zero Cult que se conclura cette transmission 1-2-4 d'Audiomatique. De son plus récent album Closer Than Ever, nous entendrons la pièce Penetration. Les électronistes espèrent que vous avez su apprécier cette émission d'Audiomatique et que vous serez à l'écoute mercredi prochain dès 17h pour la transmission 1-2-5. Si vous souhaitez faire durer le plaisir, sachez que nous rendrons disponibles chacune de nos transmissions en format MP3 afin que vous puissiez les écouter quand bon vous semble. Vous trouverez les liens inhérents à nos anciennes émissions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici Zero Cult et la pièce Penetration de l'album Closer Than Ever. Bonne écoute et bonne semaine. Bon plaisir.